revendication, c'est dignité et justice sociale. Donc c'est cette idée que le rôle premier d'un régime et d'un roi ou un président, c'est de protéger le peuple et de défendre le peuple, de faire en sorte que ce peuple puisse vivre dans des conditions décentes. Et donc la première revendication, c'est cet appel à la dignité, cet appel à la justice sociale. C'est aussi un appel à des services publics qui sont aussi efficaces, qui ne laissent pas mourir la population. Et de façon plus large, je vais dire, c'est également la contestation de la corruption, du népotisme qui est très présent au niveau de la classe politique.